Donc, bon, c'est quoi le diable? Ben, c'est une force de division. Puis c'est très, très, très rusé. Très, très, très rusé. Ça s'immisce partout. C'est pour ça que si on regarde, bon, le christianisme des origines, bon, ben, peut-être que on pourrait considérer que d'un point de vue institutionnel, ben, il a fallu créer une église officielle qu'on a appelée l'église catholique. Il est dit aussi on reconnaît un arbre à ses fruits. Puis, si on regarde les innombrables crimes de l'Église, on peut se demander si c'est pas une ruse de certaines forces d'avoir institutionnalisé le divin. Puis moi, c'est juste une question que je pose, je suis pas dans l'assertion, mais je pense qu'on peut se le demander.